Le concert du groupe de musique Samdi-Yun de la troupe artistique Mansudé Écho Éternel, consacré au 80e anniversaire de la victoire dans l'historique bataille de Potsombo, commandée par le président Kim Il-sung, s'est déroulé du 5 au 9 juin dans la ville de Haesan de la province du Yangon. Y ont assisté les cadres, travailleurs, jeunes et enfants de la province, ainsi que les pèlerins aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mombektu. Au répertoire ont été inscrits le prélude, chant de l'armée révolutionnaire, le secteur vocal féminin Potsombo Terre Glorieuse, le seul vocal féminin et le bantan masculin Écho Éternel et autres numéros variés.